Chapitre 20. Le dessous des cartes. Jean Mareuil commença paisiblement. « C'est en causant avec mon ami, Maître Feuillard, que l'idée m'est venue d'ajouter le mystère de Luvercy à ma collection de problèmes résolus. La mort de votre mère, Gilberte, me paraissait étrange, ténébreuse. Ma raison n'admettait que difficilement les circonstances de ce drame, telles du moins qu'on les connaissait. » Il me parut tout de suite improbable qu'une vipère se fût conduite de la sorte sans l'intervention d'une volonté humaine. Comment cette volonté avait-elle agi sur le serpent? C'est la première question que je me posais. Vous dirai-je, Gilberte, avec quelle ardeur j'ai abordé ma tâche quand je sus que ma réussite vous guérirait de vos frayeurs? Jamais je ne mis tant de cœur à déchiffrer une énigme. Tout d'abord, je réfléchis. Mes premières déductions aboutirent à ceci, que deux personnes, deux seulement, devaient être d'emblée mises hors de cause. Vous, Gilberte, insoupçonnable par définition, qui, toute la nuit, étiez restée éveillée et enfermée dans le cabinet de toilette attenant à la chambre de votre mère, et vous, Madame de Prinz, dont la présence dans ce même cabinet a été constamment contrôlée par Gilberte. Restez donc deux soupçonnables, M. Guy Laval, M. Lionel de Prinz, tous les domestiques et l'inconnu. Autre chose s'imposa sur le champ à ma pensée. L'habitude que j'ai de débrouiller des énigmes me fait attacher beaucoup d'importance aux anomalies. La vipère n'avait plus qu'un crochet venimeux, particularité qui n'eût laissé aucun doute sur sa participation au crime, dans le cas où plusieurs serpents se fussent échappés et si l'effet foudroyant de son venin ne l'avait suffisamment désigné comme étant la meurtrière de Madame Laval. Cet unique crochet me parut mériter plus attention et devoir être le point de départ de raisonnements plus fructueux. Alors m'a paru la nécessité d'enquêter, d'interroger les gens, de visiter les lieux. Fort bien, mais je m'aperçus qu'on me surveillait. Il faut que vous le sachiez, Gilberte, votre tante et votre cousin, soucieux de votre bonheur futur, me faisaient suivre par monsieur. Oui, le concierge, là. Et monsieur de Prinz lui-même ne dédaignait pas de m'épier. En temps ordinaire, cela m'eût été bien égal. Dans les conditions spéciales où je me trouvais, c'était gênant. J'avais toutes sortes de bons motifs pour désirer qu'on me laissât parfaitement libre de mes actes. L'indépendance et le secret m'étaient indispensables. Je sentais, au surplus, instinctivement, qu'il me fallait agir vite et je ne tardais pas à comprendre que de ma rapidité dépendait mon bonheur et la vie même de ma fiancée. « Monsieur !» s'écria Lionel menaçant. « Je ne vous laisserai pas !» Vous me laisserez parler tout mon sou. Faute de quoi ? Jean Mareuil, regardant Madame de Prinz, montra le coffre-fort et le chalumeau. Laisse parler, monsieur, dit Madame de Prinz, blanche et crispée. Mais tout à coup, Jean Mareuil. Hé là ! Hé, le sieur Aubry ! Ne nous faussez pas compagnie. Freddy, à toi ! D'un bond, Freddy la couleuvre se précipita dans le vestibule où Aubry venait de disparaître et revint sur l'heure en poussant devant lui le piteux valet, tassé, le front bas. « Quelle est cette apache à la fin ?» dit Lionel, les poings serrés, hors de lui. « J'allais vous le dire quand vous m'avez coupé la parole, » répondit Jean Mareuil. « C'est, je le répète, Freddy. » Et j'ai songé à Freddy dès que la nécessité s'est imposée à moi de me débarrasser de votre surveillance intempestive. Freddy, je l'avais rencontré, par hasard, jadis, une nuit, dans une petite rue déserte du quartier des Ternes. Il m'avait demandé du feu pour avoir mon portefeuille. L'idée me vint d'éclairer sa figure. Stupéfaction, cette figure était la mienne. J'avais un sosie dans le monde des rôdeurs. Cette nuit-là, Freddy s'est esquivé, effaré lui-même de notre ressemblance, croyant à je ne sais quel piège de la police. Mais je l'ai retrouvé peu de temps après, j'y tenais. Que voulez-vous, il m'était désagréable de penser que mon visage pût devenir celui d'un criminel. Alors je me suis occupé de Freddy. Je lui ai cherché une profession. Pas commode. C'est un indépendant, notre Freddy. Heureusement, un trait de lumière me procura la solution cherchée. J'avais rapporté des Indes un peu de la science des charmeurs de serpents. Je l'enseignais à Freddy, qui devint alors Freddy la couleuvre et gagna sa vie honnêtement à montrer des reptiles. Certes, il serait préférable qu'il travaillât davantage, n'est-ce pas, Freddy ? Aujourd'hui, c'est Mademoiselle Java, son élève, qui exhibe les couleuvres pendant que son seigneur et maître goûte les joies du farniente. Qu'importe, Freddy n'est plus un voleur, c'est le principal, et je veille à ce qu'il ne rechute pas, avec toute la sollicitude d'un bon génie. J'aime à croire que vous avez saisi. C'est sur lui que vous avez pris le change, croyant être sur la piste d'une seconde personnalité de Jean Mareuil. Depuis quelque temps, Freddy passe ses journées chez moi, confiné dans une chambre voisine de la mienne. Il n'en sort que le soir, quand je suis rentré, pour y revenir à l'aube. Pas mal trouvé, qu'en dites-vous ? Je savais bien que, dans votre joie d'avoir découvert un Jean Mareuil apache, vous ne le lâcheriez plus et que vous cesseriez d'importuner de votre filature le vrai Jean Mareuil. Maintenant, j'étais tranquille. Je pouvais, à ma guise, fouiller le passé, aller ici et là, me livrer, à votre insu, à toutes les démarches, tous les interrogatoires, toutes les perquisitions du monde. C'est ce que je fis après avoir averti le préfet de police de mes recherches, de leurs buts et des moyens que j'employais pour les mener à bien. Ne vous étonnez donc pas, monsieur de Prades, si ce fonctionnaire ne vous a pas détrompé sur mon compte et sur le compte de Freddy. Nous étions de mèche. Je suis assez content de ma petite mystification. Elle fut montée avec soin. Freddy changea de logement. Java, éperdument soumise et discrète, ne sut rien. Maître Feuillard, mon grand ami, délégua chaque nuit l'un de ses clercs au bar de la Coterie pour observer Freddy et me rendre compte des étourderies qu'il pouvait commettre et qui eussent compromis notre machination. Bien me prit, d'ailleurs, d'avoir songé à cela. Car, un matin, Maître Feuillard me fit savoir que Freddy, par inadvertance, avait laissé voir son tatouage, ce qui m'obligea sans délai à me faire peindre sur l'avant-bras cette couleuvre que je vous ai montrée l'autre jour, monsieur de Prades. Oui, je vous l'ai montrée, volontairement, parce que, sachant à qui j'avais affaire, sachant que vous connaissiez, sur le bras de Freddy, la présence d'une image dont Gilberte se fût écartée avec frayeur, j'avais tout lieu de craindre, de votre part, une manœuvre quelconque qui m'eût forcé à relever ma manche sous les yeux de ma fiancée. Ma manche relevée, qu'aurait dit Gilberte en voyant la couleuvre? Et qu'auriez-vous dit, vous, en ne la voyant pas? À la faveur de cette tranquillité que vous me dispensiez si largement, je me mis donc à la besogne. J'étudiais le drame dans les journaux de l'époque, dans la conversation des gens que je fis parler. Mille faits furent ainsi enregistrés par moi. Un entre autres, Madame Laval avait été piquée à la main gauche. Et ce fait, que j'isole aujourd'hui, fut bientôt renforcé par une considération que j'en rapprochais. Quelle considération ? Celle-ci. Madame Laval se servait de sa main gauche plus volontiers que de sa main droite. J'en eus la preuve un jour, un matin, que, sous prétexte d'une promenade à cheval, j'arrivais chez vous, Gilberte, très en avance. On me laissa seul au salon, comme je l'avais escompté. Et là, j'eus tout le loisir d'examiner, dans l'album que vous savez, les photographies de cette femme exquise dont toute une vie me passionnait, puisque je recherchais les causes de sa mort. Cela est remarquable, et vous le verrez vous-même en compulsant l'album. Que Madame Laval tint un éventail ou une ombrelle, qu'elle cueillit une fleur ou caressât un animal, c'est sa main gauche qu'elle employait de préférence, cette main gauche où elle devait recevoir la piqûre mortelle de l'unique crochet de la vipère noire et blanche. J'avoue, du reste, en toute humilité, n'avoir dégagé ce rapprochement qu'après une méditation assez confuse, pendant laquelle j'avais conscience d'avoir découvert une chose capitale, mais dont la portée m'échappait sur le moment. Peut-être aurais-je distingué plus vite l'intérêt de ces caractéristiques si j'avais su, alors, que le lit de Madame Laval, lit de milieu, présentait son côté droit et non son côté gauche à la fenêtre par où la vipère s'était, disait-on, introduite. Le serpent avait dû, par conséquent, contourner le lit avant d'aller piquer à gauche sa victime. Ou alors il fallait trouver une autre hypothèse, ne fût-ce qu'une position de la malade, tournée sur le flanc droit, au bord droit du lit, et laissant sa main gauche pendre, ou, au contraire, se servant de cette main gauche pour essayer de saisir, dans le vide, ce qui bougeait, ce qui bruissait. Là-dessus, j'allais trouver Marie Lefebvre, l'ancienne bonne de Madame Laval, et son mari, l'ancien jardinier portier de Luversy. J'appris d'eux, Monsieur de Praz, ce que vous savez concernant ces lettres que vous adressiez à Marie Lefebvre par la poste et qui portaient le timbre du bureau de Luversy depuis que, fraîchement recalé au baccalauréat, vous habitiez vous-même le château de Luversy. Quoi ? Me trompais-je ? Ces lettres n'étaient-elles pas adressées à Marie Lefebvre ? Lionel, ayant regardé Gilberte, puis sa mère, puis Jean Mareuil, renonça à compléter cet exposé imparfait. Il reconnut « Oui, c'est vrai ». Lefebvre, en outre, ainsi que sa femme, m'ont certifié que la vipère, écrasée, avait été enterrée par un homme, la nuit même du drame, vers minuit, dans un petit bois du parc. « Par exemple, s'exclama Gilberte, si j'avais su !» Or, continua Jean Mareuil, j'ai moi-même vérifié que la vipère, aujourd'hui squelettique, est bien enfouie au pied d'un arbre, dans le petit bois. Car je suis allé à Luversy il y a 3 jours pour m'en assurer. Il m'a été facile, en me glissant de bosquet en bosquet, de parcourir les 6 hectares de cet enclos abandonné, après avoir escaladé le mur qui longe les fourrés communaux. Et c'est ma connaissance des lieux qui m'a permis d'aller chercher de l'eau à la source de la grotte quand Gilberte s'est évanouie après s'être piquée à l'épine du rosier. Lionel et Madame de Praz tressaillirent en même temps. Tout s'effondrait pour eux. Ce jour-là, je n'ai pas eu le loisir d'entrer dans le château. La nuit est plus favorable à ce genre d'exploration. Mais ce qui s'est passé avant-hier, durant notre visite en commun, je dis avant-hier parce qu'il est 3 heures du matin, m'a provoqué à précipiter le train des choses et à ne pas différer plus longtemps l'examen de la chambre de Madame Laval. « Vous aviez pourtant, dit Madame de Praz avec mépris, l'air de vous en désintéresser totalement. » Parbleu, c'était mon rôle, comme c'était aussi mon rôle de faire croire à tout le monde que j'abandonnais tout espoir de percer le mystère. Mais j'avais une autre raison pour affecter de craindre le séjour de Luversy. Admettons pour le moment, Monsieur de Praz, que je voulais seulement vous persuader de ma participation au crime du 19 août. Croyez-vous, en effet, que je ne soupçonnais pas vos soupçons ? Vos questions insidieuses me les avaient assez révélées. Je souhaitais donc de hâter le dénouement, d'en arriver où nous sommes, où vous croyez m'amener en provoquant Freddy à cambrioler cette maison, manigance diabolique qui favorisait à merveille mes propres desseins. La nuit dernière, par conséquent, je me suis rendu pour la 2e fois à Luversy. Freddy avait reçu l'ordre de ne pas quitter l'hôtel, et j'ai pu en sortir aisément en automobile, puisque M. de Praz avait cessé de monter la garde devant ma porte. Notez ceci, toutefois, pour ma vanité de détective amateur, ma conviction était faite, je n'en allais chercher que la confirmation matérielle. Eh bien, cette confirmation, je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée dans la chambre de Madame Laval. Et ma besogne était terminée lorsque le brave Heurtebois m'a surpris. Surpris ? Non. C'est exprès que j'ai renversé bruyamment une chaise et que j'ai troublé le sommeil de votre régisseur. Avant même qu'il accourût, j'avais dérobé le tableau, qui, entre parenthèses, n'est pas un manet. Je l'ai dérobé car il fallait vous faire tomber dans le panneau d'un vol suggéré à Jean Mareuil par la vue de cette toile et commis par Jean Mareuil Freddy. Pourquoi ? Pour que tout se passât comme tout s'est passé, pour que nous fussions cette nuit où nous sommes, devant ce coffre qui va s'ouvrir. Lionel fut arrogant. « Monsieur, nasilla-t-il, dans tout ce que vous venez de dire, je ne vois rien qui nous atteigne, ma mère et moi, rien qui puisse modifier nos décisions. Du moment que ma mère, vous l'avez dit vous-même, ne peut être soupçonnée d'avoir guidé la vipère, je vous réponds que moi... Vous, monsieur de Praz, je pourrais vous troubler en évoquant ici les nébuleux mystères de la conscience alternée, phénomène auquel, vous savez, que je ne crois qu'à demi. Je pourrais vous faire observer que, pour trouver une bêche à Luvercy, vous n'hésitez guère. Vais-je donc vous accuser d'avoir enterré la vipère ou de l'avoir employée dans une crise de somnambulisme que vous appellerez, si vous voulez, dédoublement de la personnalité ? Non, monsieur, car écoutez ceci. Personne n'a guidé la vipère. Aucun être humain n'a conduit, ni même surveillé, de près ou de loin, l'œuvre de mort accomplie sur la personne de Madame Laval dans la nuit du 19 au 20 août. Et d'un. Et de deux. Celui qui a enterré la vipère, c'est... Aubry se leva, livide, battant l'air de ses mains. « Ah, c'est grâce » rouqua-t-il. « Voilà 10 minutes que vous me faites subir un supplice infernal. Je dirai tout. »« Vous venez de vous trahir, » fit Jean Mareuil. « Je n'avais que des présomptions contre vous. Maintenant, je n'ignore plus rien. »« Mais je ne suis pas coupable. Oh non, je dirai tout, tout, tout. C'était... Oui, c'était pour monsieur le comte. Je vais tout dire. » Gilberte, pâle dans sa robe rose, ses bras nus plus blancs que l'ivoire, s'était dressée. Lionel, interdit, creusait sa mémoire défaillante, incertain qu'il était de son propre passé. Madame de Praz, les yeux agrandis dans son visage indéchiffrable, le regardait avec passion, comme si toutes ses forces d'amour animaient cette extase. Elle s'avança vers lui, l'entoura d'une prise étroite, lui donna un baiser long et farouche. Puis, sans se hâter, elle s'approcha du coffre-fort et se mit en devoir de l'ouvrir. Quand il fut ouvert, on aurait entendu voler une mouche, elle jeta sur le tapis quelques titres pêle-mêle, plongea sa main dans le noir par le vide qu'elle avait ainsi pratiqué et, se tournant vers son fils, « Lionel, c'était pour toi, mon grand. Pardon, pardonnez-moi tous, il n'y a qu'un coupable. » Aubry n'a su la vérité que le lendemain. Un seul coupable, moi. » À peine avait-elle achevé qu'on la vit s'abattre comme une masse. On se précipita, des marbrures bleuâtres couvraient sa face, sa gorge à demi décolletée, ses mains inertes. Jean Mareuil secoua la tête. « Elle est morte, dit-il, ceci ne pardonne pas. » Et, prenant la main droite qui bleuissait encore, il mit en lumière, à la face interne du pouce, une goutte de sang, une seule goutte de sang, qui perlait. « Oh ! S'épouvanta Gilberte, comme maman, la vipère !»« Qu'est-ce que cela veut dire ? Supplia Lionel hagard. Qu'y a-t-il dans ce coffre ?» Gilberte avait reculé jusqu'à la porte. Tous fixaient le trou d'ombre entre les piles de titres. Quelle affreuse tête reptilienne allait sortir de là ? Quelle mâchoire envenimée allait s'ouvrir sur un seul crochet ? Quels anneaux noirs et blancs se dérouleraient comme coule une source empoisonnée ? La vipère africaine n'était pas morte. Ou bien, c'est qu'il y en avait plusieurs. Là, dans ce repaire d'acier, elle survivait, en sa puissance terrible, que ce fût elle-même ou une autre semblable et pareillement mutilée. Freddy la Couleuvre, si intrépide qu'il fût, s'était écarté. Alors Jean Mareuil, malgré les supplications épouvantées de Gilberte, plongea lui aussi sa main dans le coffre.